6h30 au réveil matin, l'œil est embué, le regard lointain. Rejoindre à 6h le turbin, après le café en bagnole en train. Les couloirs infinis vont plaquer les ballons, la mémoire s'embrouillant les conversations. Les néons crachent leur néant, les doigts les recoins blanchissent le temps. Le rebelle gratigné du Mont Blanc reprend le témoin, mange les écrans. Il est temps d'accueillir le cri des téléphones. À présent, quelques rires défient le ciel acteur les ordres. Diront Renan solo, entre dans la danse et joue crescendo. Les canons s'appâtent à dos, remplissent ses cadences, binaire tempo. Un manège de temps se meut sur 5 étages, sortilège, le sens se remet sur l'ouvrage. Travail, emploi, salaire, envie d'être heureuse de toute manière. Elle est unie et solidaire, belle et généreuse comme une bouffée d'air. Travailler toute une vie sans donner son avis, désolé, aujourd'hui c'est râpé, c'est fini. Vouloir agir, participer, et briser la gang, dépenser, sécher. Remodeler et inventer, des ennemis qui tanguent et vont naviguer. Puis tout pour une enféminité en paix, pour qu'elle me laisse ses soirées. Conforter, déposer les larmes, ouvrir ses bras et dire les mots qu'il faut. Chercher un chemin qui nous mène au haut. Car les filles d'échecs postaux ont toujours le cœur chaud. Éveline, Carole, Nicole, Séverine, Paulette, Rosette, puis Armel, Sophie, Lille, et Joël, Michel, Daniel, Marine, Marcel, Colette, Marie-Lou, Fatima, Arlette, Aliette, Estella, Yolanda, Mireille, Nadèche, Lange, Lève, Elia, Juliette, Sylvette, Odile, Ingrid, Myriam, Myriam, Mireille, Linette, Francette, Thérèse, Raymond, Olympe, Doris, Yvette, Claudette, Lorette, Edith, Brigitte, Fernande, Roland, Mariette, Jeannette, Lucette, Esther, Claire, Jeannette, Huguette, Josette, France, Claude, Paul, Marie-Jo, Claudie, Aurélie, Virginie, Marie-Bonne, Dominique, Yvonne, Simone, Véronique, Conception, Angélique, André, René, Audrey, Gripsy, May, Bernadette, Nicolette, Antoinette, Elisabeth, Morissette, Katia, Aïcha, Asuta, Francesca, Annie, Madine, Malorine, Ellie, Maya, Samia, Sadia, Maria, Oliva, Nani, Jenny, Valérie, Betty, Rachida, Patricia, Farida, Antonina, Fanny, Annie, Sylvie, Marie, Denise, Liz, Louise, Ellie, Georges, Hélène, Irène, Fabienne, Aline, Sabine, Franceline, Violaine, Madeleine, Marie-Hélène, Sandrine, Janine, Janine, Méliane, Gabriel, Noël, Rachel, Suzanne, Marianne, Estelle, Gisèle, Raphaël, Muriel, Emmanuel, Emmanuel, Émilie Marie et toutes les Maries. Et les filles des chèques postaux nanananananana reviennent dans leur dépôt. Nadine, Kelta, Nénadine, Nadia, Sonia, Sabrina, Stéphanie, Johanna, Lucien, Mylène, Léo, Delphine, Céline. Les Florence.